Charline. Oui. J'ai dit une erreur, donc je voudrais la rectifier. Allez-y, la tia. Voilà, concernant l'élection de Villers-Cotterêts du Front National, eh bien, c'est le Conseil d'État qui rejette l'annulation de l'élection. Voilà. Ah, voilà, faut être précis. Hein, voilà, faut être précis. Alors, moi, j'ai entendu donc que la. C'est rien, écoutez, vous reviendrez demain, de toute façon. Oui, je reviens. Bah, voilà. Vous savez, moi, j'ai entendu que la bourse était en baisse. Oui, mais et moi... vous recevez Boursier. C'est bon, ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. Non, c'est juste que je me suis dit que quand on allait installer des flunchs à Cuba, ça allait remonter. Donc, je suis pas trop inquiète. Voilà. Ah, vous êtes drôle en plus en fin de journée. Écoutez, on essaye. À demain, Laetitia Gaillet. Allez, au revoir. Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut Charline! T'étais déjà là? Bah ouais, pourquoi? Bah t'étais pas à Cuba ce matin? Si. Bah disons, les opposants au régime, ils les renvoient rapidement maintenant. Mais j'étais pas à Cuba, c'est le 7-9 de Patrick Cohen qui était à Cuba. Ah bon, d'accord. Commandante, Bernardo. On aurait pu tous y aller aussi. Ah ouais, on aurait pu, si tu reviens, ya nous les toros. Attendez, on va partir aussi, nous. Ah, je veux bien sûr, France Inter a tout prévu, a prévu des déplacements. Et on va où? À Cuba? Non, nous on va à Sochaux. Ah ouais, c'est moins bien, bof. Les Antilles peut-être, il y a les Antilles. Sur la liste, j'ai vu, il y a Mulhouse. Ah ouais, non, c'est moins bien, bof. C'est pas la Guyane. Sinon, il y a Chaumont-sur-Tarente. C'est bien, je connais, c'est vers Tahiti, sur la route de Honolulu. Bah c'est le Loir-et-Cher. Ah bon, ça, c'est... Bah allez, Patrick Cohen, il va au Liban, il va à Cuba, et nous. Mais oui, mais c'est parce qu'il suit François Hollande. Bah oui, d'ailleurs, ça nous fait un sujet. Hein. Bah ouais, voilà, pourquoi François Hollande va à Cuba? Bah parce que ça arrange Patrick Cohen, on vient de le dire. Exactement, voilà, ils vont boire des Cuba Libre à deux. Non, parce que bientôt, ça va être des pinards librés. Des quoi? Pinards, parce que François Hollande, il est parti là-bas, c'est pour leur vendre des produits français. Le cigare, c'est fini, ils vont fumer de l'andouille. Et la musique, terminé le Buena Vista Social Club. Ah oui, il va refiler les forbans. Pour les voitures, ils vont ranger les vieilles américaines qui tombent en panne et il va leur vendre des Renault Twingo. Oh bah qui tombent en panne aussi. Ah bah, du coup, ça va pas trop les déstabiliser. Alors, dans 5 ans, tu reviens à Varadero, tu te croiras la grand mode. Non, mais t'avais raison, je pense Sochaux, c'est mieux. Sochaux, c'est bien. Et Mulhouse. Ah, Mulhouse, ouais, génial, on boira des Mulhouse, et libre. Et hasta siempre la choucroute. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme une langouste de Cuba. Et voici les trois informations qu'on va disséquer jusqu'à 18h. François Hollande va-t-il réussir à ramener un selfie avec Fidel Castro? Ça, c'est ça qui serait historique en réalité. En attendant, le président français a promis qu'à Cuba, il évoquerait les droits de l'homme. Ah, bah écoutez, c'est déjà fait, autant pour moi. Au Royaume-Uni, quand on perd une élection, on démissionne. Et si par miracle, un jour, ça arrivait aussi en France, nos politiciens, que feraient-ils après? Où iraient-ils? Ma maison dans l'Aveyron, ma pipe, mon chien, ma femme, ma retraite, sacré bordel de nom de Dieu de merde, ma retraite! Aujourd'hui, quand Nabila répond à Catherine Deneuve, ça fait des articles sur les sites d'info. Et des sujets 3 à 17h sur France Inter. Allez-y, va Catherine, te laisse pas faire. Mais laisse-la dire, ma chérie. Je suis belle et riche, alors qu'elle est laide et pauvre. Et pour découper ces trois informations telle une langouste de Cuba, je suis accompagnée de celui qui a le rythme de la vanne dans la peau, de la vanne de la Havane, Alex Vizorek. Vous m'auriez vu danser à Santiago de Cuba, vous auriez changé votre lancement. Bonjour Charline Vanhoenacker, et autour de la table à 17h20, un homme pluriel, un pied dans la basket de la musique, l'autre dans le mocassin de l'actu, ce qui donne, quand on les mixe, une chaussure étrange avec des glands dessus et des bulles d'air en dessous, le roi de l'actualisique, c'est Thomas VDB. C'est bien moi, c'est tout ça, exactement. C'est exactement comme ça que je suis. Et de quoi on parle, oui? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que U2, le groupe, a fait un canular cette semaine dans le métro new-yorkais. On va donc parler des rockers qui font des blagues. À 17h30, c'est un homme singulier, car il met les deux pieds là où il ne faudrait pas et ça éclabousse le sale gosse de l'interview. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu à la Foire du Trône qui a lieu en ce moment à Paris. Il y a plein de manèges. La chenille à capote. La chenille à capote, par exemple. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et enfin à 17h... Non mais c'est pas vous la chenille à capote, vous montrez-vous. Non, j'étais samedi. Ah, vous y avez... Ah, il y aura même un témoignage à 17h30 de celle qui, à 17h40, la femme aussi singulière que plurielle, elle ne marche pas, elle flotte, ses chaussons rouges cinématographiques et ses souliers de satin littéraire, celle dont je suis au pied, c'est Clara Dupont-Benoît. Bonjour Alex. Bonjour, comment allez-vous? Le Foire du Trône, c'était bien ou vous m'avez pas invité? C'était très bien, la chenille à capote, j'ai hésité quand même. Mais... Et nous allons parler aujourd'hui du livre de notre invité. Ah. Allez, ne vous contentez pas de vos oreilles, mettez aussi votre nez dans cette émission. Nous sommes sur Twitter, hashtag annule tout. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous apparaissez au cinéma à l'âge de 4 ans ça surprend dans toujours. La guerre des boutons, le film d'Yves Robert, parce que depuis, ils se sont reproduits comme les Yves Saint-Laurent, il y en a plusieurs. Bref, mais là, c'était en 62, l'année où paraît Salut les copains pour la première fois. Vous créez une radio libre en 81, une année de folle originalité, puisque Libération parfume son journal à la rose pour fêter l'élection de Mitterrand. Vous devenez enseignant à Sciences Po Paris en 2003, quand Kate et William se rencontrent sur les bancs de l'université. Ce qui fut sans doute l'objet d'un cours, sait-on jamais. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Qu'est-ce que je suis quoi? Je suis quoi? Mais qui êtes-vous? Bah, je sais pas, vous êtes qui? Christophe Bourseguier. Mais oui, bah, voilà, bah, faut le dire. Ah, oui, je suis l'invité, attendez, on recommence. Je suis un homme. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. J'annule tout. Mais oui, c'est vous, Christophe Bourseguier, qui êtes tellement multiforme, acteur, journaliste, historien, et vous publiez « Et si c'était la vérité ?» Enquête sur les délires de l'histoire, c'est chez Vuibert. Alors, est-ce que j'ai un accent belge quand je dis Vuibert ? À peine. Un petit peu. On dit comment ? Vuibert. Vuibert. Voilà. Alors, bien sûr, Hitler était juif, ça tout le monde le sait. Le pape était une femme, ça on le sait aussi. Le Titanic n'a jamais coulé. Bah, que des évidences dans votre livre, Christophe Bourseguier, je suis désolée. Hein. Clara va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, votre mère, c'est la reine d'Angleterre en fait. En quelque sorte. Alors, vous expliquez dans ce livre, vous revisitez évidemment ces relectures de l'histoire et c'est ce qu'on peut dire des. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des complots sans être. Non, c'est pas des complots c'est du pas des tout. Complots, non, hein. Non, ça n'a rien à voir. Non, enfin, c'est ceux qui étudient les choses ont un petit peu parfois la théorie du complot. Ça fait partie de ce que vous appelez les pseudo-historiens. Oui, alors c'est-à-dire que c'est une anthologie des historiens fous. Fou avec des guillemets, parce que fou ou supposé-t-elle. Tous les gens qui ont osé dire des choses différentes des autres, les historiens qui ont dit, et si Jeanne d'Arc était un homme et si le Titanic n'avait jamais coulé? Et si Jésus était gaulois? Vous voyez, ce sont des thèses fortes, courageuses, et moi j'ai eu envie de les sous-peser. C'est oui, voir si c'était la vérité ou pas. Pardon, c'est parfois relayé par des sites ou des esprits un petit peu délirants. C'est parfois un petit peu délirant. La thèse selon laquelle Hitler était juif, par exemple, est légèrement antisémite, et c'est une thèse évidemment que je démonte, bien sûr. Mais ça va même plus loin que ça, parce que ceux qui relayent ça disent il vient des Rothschild, mais les Rothschild ne sont pas juifs, ce sont des extraterrestres. Absolument. Ils sont arrivés sur Terre. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, je sais que c'est vrai. Oui, c'est scientifiquement prouvé, ça. Et c'est basé sur le fait que la grand-mère d'Hitler aurait été femme de ménage chez les Rothschild. Donc, comme elle était femme de ménage chez les Rothschild, forcément, elle a couché avec Rothschild. Vous voyez le raccourci un peu dévastateur. Est assez curieux. Il n'y a pas qu'Internet, parce que l'intérêt du livre aussi, c'est de voir comment se développent ces relectures de l'histoire, est-ce qu'il remet en cause les évidences et le chapitre par exemple sur Corneille, qui serait l'auteur des pièces de Molière. Tout à fait. Vous expliquez comment tout cela naît. Alors, pas de traces de manuscrits, une proximité de syntaxe, le prétendu besoin d'argent de Corneille, c'est ça? Oui, enfin, ça dépend, parce que si vous voulez, le fait est qu'on n'a retrouvé aucun manuscrit de Molière. Donc, certains disent, c'est une preuve qu'il n'a rien écrit. Oui, mais à l'époque, on ne gardait pas les manuscrits. Donc, si vous voulez, ambiguïté. Ensuite, il n'y a effectivement aucune preuve que Corneille ait écrit les pièces de Molière. Si ce n'est que, certains croient voir effectivement des rapprochements de mots, en faisant tout un travail de sémantique entre Molière et Corneille, si vous voulez. Là-dessus, on sait que Corneille, c'était quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui donc pouvait faire des petits boulots à droite à gauche. À mon avis, si je puis me permettre, la réponse est au milieu du guet, c'est-à-dire que Molière a écrit ses pièces, mais que comme beaucoup d'auteurs de cette époque-là, et même plus tard, il a fait parfois des petits ateliers d'écriture pour aller plus vite, parce que c'était avant tout un homme de théâtre, un entrepreneur. Et il est possible que Corneille ait collaboré parfois à l'écriture de certaines pièces de Molière. Par contre, rappelons que Marc Lévy écrit ses livres. C'est ça qui est grave. Beaucoup plus grave. Et la réécriture de l'histoire, c'est finalement devenu un peu un exercice intellectuel ou un sport. Je voyais ce matin sur Libération.fr lance une série « Réécrivez l'histoire » et propose de revisiter les événements historiques majeurs. C'est en coopération avec France Télévisions. Et le héros de cette semaine, c'est JFK. Et si JFK avait eu la vie sauf, c'est l'Uchronie, on réinvente l'histoire. Mais moi, mes auteurs, si vous voulez, mes historiens dissidents, un peu fous peut-être, parfois, ce sont des gens qui doutent. Ce sont des gens qui disent, mais finalement, et si Napoléon avait été assassiné? Après tout, on a retrouvé de l'arsenic dans ses cheveux. Mm-hmm. Est-ce que, effectivement, il y avait aussi de l'arsenic dans les cheveux de Madame de Maintenon, qui n'a pas été assassinée? Donc évidemment, ça provoque un certain doute, car à l'époque, c'était une substance très utilisée. Donc si vous voulez, il y a des doutes en permanence. permanence. Mais lorsqu'on dit que Jeanne d'Arc était une princesse royale, par exemple, alors on peut douter de cette affirmation, mais qui va croire ce qu'on nous a raconté à l'école, c'est que Jeanne d'Arc était une pucelle illettrée qui entendait des voix. Vous voyez, de toute façon, l'histoire officielle parfois bégaye. Dès lors, je peux comprendre que des historiens de marche osent affirmer des thèses qui peuvent être dangereuses, mais qui sont souvent passionnantes, et ça permet de remuer le schmilblick, de faire avancer les choses, de secouer le cocotier. Secouer si le cocotier. Voulez. Et comme Najat Vallaud-Belkacem disait qu'il y avait des pseudo-intellectuels dans le JDD ce week-end, et bien il y a des pseudo-historiens, mais alors des plusieurs catégories, les conspirationnistes, les rumeurs populaires, les théologiens, et puis les passionnés. C'est dans Et si c'était la vérité, Christophe Bourseiller, édition Vuibière, avec nous jusqu'à 18h. The Slits, ils ont repris le tube de Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Vous êtes sur France Inter, franceinter.fr aussi, en vidéo, figurez-vous. On n'arrête pas le progrès. Dans 20 minutes, on retrouvera le moment Meurice, notre envoyé très très spécial. On va retrouver avant ça, évidemment, Thomas VDB. Vraisemblablement, Clara Dupont-Moulin, mais on ne sait plus si ces gens sont vrais. Maintenant, on commence à douter. Ouais, évidemment. Ce pourraient être des reptiliens. Évidemment. Ce que les extraterrestres ont posé là, Nous sommes en compagnie de Christophe Bourseiller. Et alors, avec Alex, chaque matin, en lisant la presse, nous avons le même réflexe. Hein, on se dit, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ce qui est écrit dans les journaux. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par François Hollande, qui comptabilise déjà plus de 150 déplacements à l'étranger. Ce qui explique qu'il a fini par gagner un voyage aux Caraïbes. Voyage toujours, mais en France, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la vitesse serait limitée à 80 km/h sur quelques routes cet été, à titre d'expérimentation. Très bonne idée. D'ailleurs, si Najat Vallaud-Belkacem pouvait aussi tester sa réforme du collège sur une portion des établissements, par exemple pendant un an, dans tous les collèges d'Yverdon-les-Bains, ce serait une très bonne idée. Yverdon-les-Bains, c'est en Suisse. Hein. Ah bah oui, voilà, comme ça, si ça marche ailleurs, elle pourra appliquer sa réforme ailleurs. Voilà, sport. Aux Pays-Bas, les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam sont montés ce week-end sur le terrain, jour de la fête des mères avec leur maman. Donc se faire emmener sur le lieu de travail par un de ses parents, c'est quand même bizarre. Bah oui, vous demanderez à Jean Sarkozy ce que ça lui a fait. Média, Valérie Damidot passe de M6 à Énergie et ça a l'air de lui faire plaisir. Oui. Dans une de ses premières interviews sur le site du Huffington Post, elle déclare « Je change de crèmerie ». Ferait bien surtout d'arrêter la crèmerie. Et enfin, on termine par une info c'est comme moche. Vous les aimez. Oui, c'est moche, c'est moche. Ouais, on avait dit pôle physique, mais t'es rigolote, celle-là. C'est drôle. on termine par une info comme vous les aimez. Oui. Une Américaine accouche de jumelles de pères différents. Oui, et c'est arrivé en 2013 et ils s'en sont rendus compte il y a peu puisque la dame a demandé une pension alimentaire au père supposé, donc obligation de test de paternité, et il n'est le père que de l'une des deux jumelles. Et donc ? Bah, j'espère donc que c'est la dame qui va devoir lui donner une pension alimentaire à lui. Alex Vizorek. C'est rigolo, ça arrivera. Et là, tout seul comme un grand chronique en Thalys. Oui, sans vous, je suis désolée. Aux éditions Kéro. Eh oui, nous avons une vie indépendante. Voilà. Chronique en Thalys aux éditions Kéro, ça sort aujourd'hui, c'est votre livre. Clara, je suis auteur depuis aujourd'hui, ça vaut. Voilà. Non. Et on reçoit un auteur aussi, Christophe Bourseiller. Et si c'était la vérité, enquête sur les délires de l'histoire aux éditions Vuibert. Et justement, actualité et histoire, c'est notre premier sujet. Car François Hollande est entré, semble-t-il, dans l'histoire. C'est ce qu'on entend depuis ce matin, en tout cas. On va voir avec vous. Au détour d'un voyage aux Caraïbes. Et par la même occasion, il place ses billes sur le marché qui s'ouvre à Cuba, le grand casino cubain qui s'avance devant lui. Voilà, et un doublé, un président et VRP. C'est tout mon François. Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gomini. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Ça lui va tellement bien, François. Scarface, François. On n'est pas aidé. Scarface, en effet. Christophe Rossier, c'est un malin, Hollande. Il fait un gros coup double, là. Alors, historique, point d'interrogation, ou politique du moins, et économique. Alors, depuis ce matin, on entend visite historique, il y a cette magnifique une. Magnifique, dans de Libé. Oui, ouais, de Libé, avec Hollande en tché. Et sachant que vous êtes un passionné des unes, vous avez déjà publié un ouvrage oui, sur les oui, unes oui, historiques. Oui, oui, oui, est-ce que beaucoup. Ça, c'est vous sentez, vous flairez la page d'histoire? Bah, je pense une des unes les plus drôles que Libé a fait depuis très longtemps, je veux dire, parce qu'il a un côté ridicule. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est physique. Hein. Il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que chez Hollande, il y a un Mitterrand qui sommeille. Parce que je me souviens que quand Mitterrand avait été élu, on avait beaucoup parlé de Cuba et Madame Mitterrand était à fond pour Cuba. Donc il y avait déjà cette espèce de sensibilité où elle y était allée, elle représentait la France, elle avait défendu. Mais elle avait sa fondation. Elle avait sa fondation et elle avait défendu l'idée d'un rapprochement avec Cuba. Avec Jacques Lang aussi, elle s'est rapprochée aussi de Jacques Lang, mais c'était surtout avec Cuba, l'idée du rapprochement. Et donc là, effectivement, d'un certain point de vue, François Hollande marche sur les traces encore une fois de Mitterrand. Mais en même temps, Cuba n'est plus le même Cuba du tout. Hein. Maintenant, c'est un Cuba qui devient un peu le Cuba de Batista à nouveau. Enfin, c'est le Cuba des affaires, le Cuba du business. Donc, les choses évoluent très vite, même si ça reste un peu dictatorial. Et alors, un petit peu. Alors, Hollande va rencontrer Raoul, bien sûr, mais il tente aussi... Vous l'appelez Raoul, vous ? Raoul. Raoul Castro. Oui. Il ne sait pas qui c'est Raoul, hein, sinon. mais alors, il tente aussi une rencontre avec Fidel Castro. Alors, ça, est-ce que ce serait vraiment le bonus historique ? Fidel Castro, aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas très bien dans quel état il est. On ne sait pas s'il est toujours vivant, en tout cas. On ne sait pas s'il est toujours vivant. C'est un peu comme Franco, qui était sur respirateur pendant très longtemps. On ne savait pas s'il était vivant ou mort. Rappelons qu'il est juif, Fidel Castro. Hein. En plus. Donc, c'est un extraterrestre. C'est ça que vous voulez dire. D'accord. Alors, en tout cas, ça, évidemment, ça pourrait être effectivement intéressant d'un point de vue symbolique. Mais c'est vrai que Fidel Castro n'a plus sa voix au chapitre aujourd'hui. Donc, c'est Raoul qui dirige. Donc, c'est l'homme qui dirige. François Hollande, il aime bien les selfies. Donc, s'il peut ramener un selfie avec Fidel et nous prouver qu'il est vivant. En fait, il était dans la région, François Hollande. Je crois qu'il était en Guadeloupe ou aux Antilles juste avant. Maintenant, il est à Cuba. Alors après, il y a les Grenadines qui sont pas mal, il faut lui dire. Et Saint-Barth. Oui, donc il peut peut-être en profiter parce que c'est aussi des... Pendant qu'il y est. Demain, je veux dire, il peut faire des sauts de puce. Bah oui, ça vaut le coup. Hein. Fidel Castro, sympa. Ce sera sans doute aussi plus tard l'objet de thèses, il y en a peut-être déjà, historiques. Ah oui, alors pour l'instant, il n'y a pas tellement... Si d'historiens originaux. Alors que concernant la mort de Kennedy, il y a beaucoup de thèses qui sont sorties, évidemment, dont une selon laquelle ce sont les Cubains qui sont venus le tuer exprès à Dallas à l'époque. Oui. Mais bon, ça c'est une des nombreuses thèses. Ah, oui. Moi je préférais mettre en avant la thèse la plus extrême. La 13e qui est dans le bouquin. Selon laquelle c'était les extraterrestres qui ont tué Kennedy parce qu'ils s'apprêtaient à révéler leur existence. Ah, voilà. Ils avaient déjà tué Marilyn Monroe. Kennedy s'apprêtait à prendre la tête de la résistance anti-extraterrestre. Et à ce moment-là, il était urgent évidemment de l'abattre pour éviter que... Oui. Voilà, et qu'est-ce que vous pensez... dans un monde de collabos, hélas. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie qui dit que François Hollande n'est pas de gauche. Il y a des gens qui disent ça. Oui, c'est une théorie relativement intéressante. En tout cas, il a vu le fils du Tché où il va le voir. Là, je ne sais pas où on en est actuellement avec le décalage, mais le fils du Tché, ça va donner une onction de rebelle, de frondeur à François Hollande. Moi, je me dis quand même, Castro, c'est 50 ans d'une carrière politique immense. Il aura fait des photos avec tous les plus grands. Si sa dernière, c'est avec François Hollande, le mec, il a eu Khrouchtchev, il a eu machin, ça va lui mettre un petit coup. Alors, c'est très étonnant à quel point François Hollande évoque Sarkozy par moment, parce que l'omniprésident, vous vous souvenez, qui était partout, qui courait tout le temps, et Hollande fait pareil, curieusement. Ah oui, mais il fait plus de voyages, apparemment. Je ne sais pas, il essaie peut-être de battre Sarkozy, si vous voulez. C'est-à-dire que l'unique stature qu'il trouve, c'est à l'international. Tous les chefs d'État ont normalement leur précaré, c'est l'international, et le Premier ministre est censé gérer la situation en France, théoriquement. C'est vrai qu'il se démène d'une façon peu gaullienne. Mm-hmm. Et en tout cas, en nombre de miles, là, c'est possible qu'il batte Sarkozy. Oui, c'est bien au niveau de la carte grand voyageur. Ah, bien sûr. Ça n'est pas négligeable. C'est gratuit, les voyages gratuits, à mon avis. Mais oui, alors vous connaissez les jingles gratuits. C'est ceux qui sont faits au niveau buccal essentiellement, avec Thomas Fédé. Il manquerait plus qu'ils soient payants. Hein. Exactement. Non, c'est tout gratuit, c'est service public. T'es fan de musique ? Tu aimes l'actu ? Eh bien, reste avec nous. Voici l'actu à Zikmu. Mais d'abord, je change toutes les semaines régulièrement. Mais d'abord, pour commencer, eh bien, une petite astuce. Si dans la vie en général, vous trouvez que vous n'arrivez pas à être assez cool et être assez branché, eh bien, il y a un truc qui marche très bien pendant les soirées branchées, c'est de demander aux gens s'ils ont vu la dernière vidéo de Jimmy Fallon. Alors, je veux préciser Jimmy Fallon, c'est le présentateur d'un talk show américain. Et la plupart de ses sketchs, à chaque fois, ils font le buzz, ils font le gros événement sur Internet, puisqu'il arrive à mettre en scène les plus gros people de la planète. Que ce soit Brad Pitt, Barack Obama ou Madonna, il m'appelait souvent pour participer, mais je suis jamais dispo. Voilà, donc rien ne pourra donc vous faire passer pour quelqu'un de plus branché que de demander aux gens s'ils ont vu la dernière vidéo de Jimmy Fallon. Mais il y a une question que j'aurais à vous demander aujourd'hui, est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de Jimmy Fallon qu'il a postée pour son émission ? Vous n'avez pas vu ? C'est un truc de ouf. Moi j'ai entendu c'est parler un truc de ouf. Ça tue. Alors c'est une vidéo qui se passe dans le métro à New York la semaine dernière. On voit des usagers du métro à la station Grand Central et qui vont travailler. Et d'un seul coup arrivent sur le quai de la station quatre musiciens un peu débraillés, présentés par un moustachu, qui commence à faire l'aumône pour le groupe et le groupe entonne une reprise de U2. Alors comme bien souvent dans ces cas-là, les gens regardent ailleurs, ils s'intéressent qu'à moitié. Et au bout d'un moment, le moustachu, il enlève sa fausse moustache et en fait c'est Jimmy Fallon. Et tous les gens ils sont là, hey, regardez c'est Jimmy Fallon. Et donc là les quatre musiciens ils enlèvent leur chapeau et leur fausse moustache et en fait c'est U2. Tous les gens ils sont là, hey, regardez c'est U2. Donc là forcément c'était U2. Donc en fait c'est un des groupes les plus riches du monde. Ils étaient tout simplement en train de faire la manche dans le métro. Et donc là grosse ambiance sur le quai de la station et tout le monde il fait des selfies avec Jimmy Fallon et tout le monde il fait des selfies avec U2. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez par exemple métro, je sais pas, Breguet-Sabin à Paris et que vous voyez un mec qui se met à crier à côté d'un sans-abri. Il dit mesdames messieurs attention, un clochard qui va chanter. En fait, le clochard c'est Johnny. Et le présentateur, en fait, il enlève sa fausse moustache et tout le monde fait regardez, c'est Marc Toesca. Et c'était Marc Toesca qui présentait un concert de Johnny. Alors attention. Voilà, moi, je continue mon chemin en général. Comme les New Yorkais. Alors évidemment, il faut savoir que cette vidéo avec U2, qui est quand même un des groupes pop les plus connus du monde, l'effet de surprise ne fonctionne que si on connaît bien U2. Hein, moi, j'ai montré la vidéo à mon neveu quand ils enlèvent les chapeaux et les fausses moustaches. À la fin, il a fait c'est qui ? Alors évidemment, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est quand même un beau canular. Je dois dire, signé U2, arrangé à côté des plus grands canulars de l'histoire du rock. Je ne sais pas si vous savez que le chanteur des Red Hot Chili Peppers, pareil en canular, il est hyper bon. Il y a un truc qu'il fait souvent, c'est il appelle des gens au téléphone et fait comme ça, il dit allô Monsieur Coq ? Non ? Ah pardon, je suis trompé de poulailler. Hop, il raccroche. Et ça c'est excellent. Alors faut le voir vraiment parce que là vous n'avez pas l'air de voir que c'est vraiment drôle, mais si vous l'aviez vu, c'est visuel. Vous voyez, je peux vous dire, c'est impossible de pas rigoler. Alors je rappelle quand même que U2 l'année dernière, ils avaient sorti leur dernier album en partenariat avec Apple et que le disque s'était retrouvé du coup dans tous les ordinateurs de toutes les propriétaires de Mac dans le monde, ce qui leur a fait une très mauvaise publicité. Donc ça se trouve sur le quai du métro à New York, il y a plein de gars en fait, ils les ont reconnus, puis ils se sont dit « Oh, c'est les gros relous de U2 qui m'ont pourri mon iTunes l'année dernière, vas-y, on va s'asseoir là-bas plutôt. » Et donc il est probable en fait évidemment que ce genre de vidéo ait vocation à réhabiliter l'image de U2. Les mecs obligés aujourd'hui sont obligés de tout faire pour se rattraper, c'est une opération de com. Bientôt, tu commanderas des sushis, en fait, là, à l'eau sushi, et t'auras quatre gars qui arriveront avec des casques de mobilette. Bonjour, c'est menu B12? Oui, Sunday! En fait, c'est les gars de YouTube, merci. Bien, en tout cas, merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. J'ai vu aujourd'hui cette actu à Zikmu. J'ai vu Christophe Boursier qui a pris des notes. Ça m'a fait très plaisir. Je rends tout de suite la parole à Alex Vizor. Mais merci Thomas VDB, vous êtes brillant. Vous donnez envie de suivre l'actualité musicale. L'actualité musicale, c'est aussi Zaza Fournier. On l'adore. Qui chante garçon. Ah, oui, c'est la playlist France Inter. Sur la toile. Sur France Inter avec Christophe Boursier jusqu'à 18h. je veux être un garçon. Sonner dans mon blouson, plaquer mes cheveux en arrière, me la jouer solitaire, à l'aise dans mes baskets. Je promène mon corps d'athlète, marcher les jambes écartées en prenant l'air dégagé. Ne plus laver mon blue jean et faire des sourires aux filles qui passent sur mon chemin sans que ça n'engage à rien. Avoir les ongles un peu sales, je veux traîner dans les bars, je veux traîner dans la rue sans qu'on regarde mon cul. Je veux être un garçon beau comme un Apollon ou bien laid comme un pou. En vérité je m'en fous. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un costaud. Casser des cœurs au marteau, dévaliser des poitrines sans l'air mort en sourdine. Je veux être un sale type qui met des boots et des slips, qui derrière ses lunettes noires harponne les filles pour un soir. Je veux changer de peau, me battre sur les trottoirs, me battre dans les cafés, me battre toute la journée. Je veux montrer mes biceps et puis cracher par terre. J'apprendrai la technique pour rouler des mécaniques. Je ne veux plus être une fille, une nana, une brindille. J'échange pour de bon. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon beau comme un Apollon ou bien laid comme un pou. En vérité je m'en fous. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Zaza Fournier, vous l'aurez compris, elle veut être un garçon sur son dernier album qui s'appelle Le Départ. Vous êtes sur France Inter, non, restez. Nous sommes avec Christophe Bourseiller qui publie « Et si c'était la vérité ?» enquête sur les délires de l'histoire, édition Vuibert. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, nous avons Clara Dupont-Monod, nous avons Thomas VDB et c'est son tour. C'est le grand Guillaume Meurice qui a été se faire plaisir un petit peu aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui, puisque en ce moment a lieu à Paris la mythique foire du trône, où Clara s'est rendue samedi, a priori, en totale immersion avec les pauvres. Mais bravo, mais attendez, c'est un endroit merveilleux, moi j'adore ça. Bravo Clara. Bah ouais. Non, moi, ce n'est pas un rassemblement royaliste. Non, je sais bien. On y va religieusement depuis qu'on est enfant. Oh, c'est beau, ben c'est beau, c'est beau. Moi j'y suis allé dimanche, donc j'ai pas vu le spectacle de Clara au milieu de tout ça. J'ai vu quand même plein de forains qui sont là pour vous arnaquer, pour vous divertir. Pardon, pour vous divertir. Alors rassurez-vous, je ne vais pas critiquer les forains. J'aime beaucoup la maçonnerie et les concours d'apnée, mais je n'ai aucune envie de finir coulé dans un bloc de béton et jeté dans le canal Saint-Martin. Donc plein de forains qui vendaient du rêve, comme on dit, notamment au fameux stand des peluches qui arborait une pancarte avec marqué « Que des gagnants ». Alors ça m'a intrigué, je suis allé voir le gérant. Moi c'est un jeu de ficelle, on tire sur une ficelle, on gagne automatiquement une peluche, comme ça les gens sont certains de repartir avec quelque chose dans les mains. Bon alors on croit tirer un gros et on tire un petit à chaque fois ? Non, vous avez des petites, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose à gagner, c'est mieux que d'avoir des ficelles vides. Est-ce que c'est un peu comme la politique ? Non, parce que moi tout le monde est gagnant. Bah, la politique, personne n'est forcément gagnant. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que là, il y en a un qui est gagnant à chaque fois. Et oui, c'est le forain. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais il y a quand même un lien avec la politique, c'est la promesse qui est faite. Prenons un exemple. L'énorme peluche Winnie l'ourson qui te fait tant envie. Eh bah, ben ça, c'est l'équivalent de l'augmentation du SMIC. Alors t'arrives, tu tires la ficelle et tu te retrouves avec une petite peluche toute pourrie Bob l'éponge. Et t'es bien dégoûté. C'est un peu l'équivalent d'une photo de Michel Sapin en slip. Voilà, c'est le même principe. D'ailleurs, ça s'appelle la foire du trône. Donc il est question d'accession au pouvoir, donc de politique. On est bien d'accord là-dessus. Même chose dans le jeu des pinces. Vous connaissez le jeu des pinces, un tas de cadeaux que vous essayez d'attraper avec une pince et que vous attrapez jamais. Est-ce que quelqu'un a gagné déjà quelque chose de ça? Une fois que le cadeau il arrive, tu sors vraiment nul en fait. En tapant avec un coup de coude de la machine. Bon non mais c'est vrai, vous avez raison Alex, on va pas se mentir. Vous avez autant de chances de gagner un lot que François Bayrou une élection. Mais vous jouez quand même. Oui. Mais oui. Alors pourquoi? C'est le fait de jouer, voilà. C'est pas le fait de la peluche. Bah là, vous allez perdre à tous les coups, c'est fait exprès, la pince, elle glisse. C'est vrai, mais on est là pour jouer. Pour perdre. Et ben voilà, on est là pour jouer et pour perdre. Quand je vous disais, c'est la même chose que la politique, la foire du trône. Par exemple, en politique, on dit toujours, ça cogne. Et ben à la foire du trône, il y a les ballons de frappe. Vous connaissez les ballons de frappe? Oui. Et ben allons voir deux jeunes qui venaient de s'exercer. C'était pas mal, on s'est défoulé. À qui vous pensez quand vous tapez comme ça dans le ballon? À sa daronne. À sa daronne, me dit-il en parlant de son ami. Alors non, hein. On ne tape pas sur les mamans de ses amis. On couche avec quand on s'appelle Alex Vizorek et qu'on a des goûts bizarres, mais c'est tout. Quelle est la stratégie de son ami? Cherche à taper le plus fort, le plus rapidement possible, c'est tout. Et oui. Bon, et si vous deviez penser à un homme politique avant de taper, vous penseriez à qui? Marine Le Pen. Alors non, on ne tape pas Marine Le Pen non plus. On couche avec hein, quand on s'appelle Louis Alliot et qu'on a des goûts bizarres, mais c'est tout. D'accord? Bon, alors puisqu'on parle politique et fête foraine, comment ne pas évoquer la peur qui guide souvent le choix des citoyens? Et la peur à la fête foraine est représentée par le train fantôme, ah oui. Évidemment. Donc je suis donc allé voir des jeunes à la sortie. Franchement, ils ont bien fait le truc. Ah, tronçonneuse. Franchement, ils ont... j'ai plus de souffle. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous avait fait flipper autant? Franchement... Sarkozy, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est flippant quand même. Hein. Belle reconversion possible pour lui dans les trains fantômes. Avec Liliane Bettencourt, hein, c'est pratique, on n'aura même pas besoin de la maquiller. Et Serge Dassault, on peut en mettre plein. Il faut dire aussi que souvent la politique, ça tourne en rond, hein, on entend ça. Et il y a un manège comme ça aussi à la Foire du Trône. Comment il s'appelle? C'est la chenille à capote. La chenille à capote? La bâche, à un moment donné, quand le manège tourne, la bâche recouvre le public. Ça leur permet de se bécoter un petit peu pour les amoureux. Ah donc il y a un rapport avec la sexualité quand même. Ah la sexualité non, mais c'est un début au manège où les amoureux aimaient bien monter. Mais là ils peuvent s'embrasser là, ça va à 200 km/h votre truc. Ça va à 20 km/h, hein, ça va pas très vite. Hein. À 20 km/h on peut s'embrasser tranquillement dans une centrifugeuse? Je pense. Moi aussi je pense, mais il y a quand même un gros risque de se péter les dents et de devenir un sans-dents. Voilà, on retrouve toujours ce rapport à la politique. Alors, autre similitude avec la politique, toujours, les phrases toutes faites, les éléments de langage. En politique, on a par exemple, écoutez, c'est quand même incroyable ce pays où on n'arrive pas à réformer. Voilà, phrase toute faite. Alors, chez les forains, il y en a d'autres. Je pense notamment à, oui, en avant, en arrière, c'est super. C'est bon, hein, bien sûr. Ou encore, allez, on lève les bras. Hein, ça, on entend souvent. Alors, quel est le secret des forains? C'est depuis la naissance qu'on apprend ça. Les grands-parents nous l'enseignent. Dès le départ, dans le berceau. Alors faites-moi en un pour voir. Allez, un petit coin avant les filles, un petit coin arrière, pour le coup de piston, allez, on y va. Pour le coup de piston, et voilà. Et le piston, en politique, c'est fréquent. Vous voyez, on retrouve toujours ce rapport-là, hein, au sens propre, comme au figuré d'ailleurs, hein, de Jean Sarkozy à DSK. Mais la politique, ce sont aussi de vrais sujets de société. Par exemple, la peine de mort, et à la fête foraine aussi. On a une chaise électrique, ça c'est pour les clients qui sont pas gentils. Mais non. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette chaise électrique? Alors en fait, quand vous allez mettre vos mains sur les poignets de la machine donc, que vous avez vu, ça va créer des vibrations qui vont vous obliger à serrer les mains. Et au plus vous serrez les mains, au plus vous allez sentir les vibrations, ça donne vraiment la sensation d'une belle châtaigne. Ça fait un peu vivre le sort des condamnés à mort aux États-Unis. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est rigolo ça? C'est vraiment très drôle. Voilà, la peine de mort, c'est hyper rigolo. Rappelons qu'un parti politique en hausse dans les sondages est nostalgique hein, du retour à la peine de mort. Rappelons également que le trône est aussi le surnom de la cuvette des toilettes. Bref, vous l'avez compris, ça commence à puer sérieusement. Merci Guillaume Meurice. Dites-moi, l'environnement sonore de la foire du trône, c'est horrible. Ah bah oui, c'est un anxiogène. On sort sonné de là. On s'amuse, on mange du barbapapa. On sort sonné de rire aussi du spectacle de Guillaume Meurice. Hein, à la nouvelle scène, demain à 21h30, mais tout à que fait. Demande le peuple, c'est à Paris, c'est au pied de Notre-Dame, c'est magnifique. Et oui, sur une allez-y. Péniche. Voilà. Nous sommes en compagnie de Christophe Bourseiller. Christophe, mais vous avez des souvenirs de fêtes foraines de... J'ai dit, la chenille à capote, vous avez déjà pratiqué? J'ai eu froid, j'ai fait la queue, je me suis ennuyé. Ah mais ça n'a rien à voir avec les fêtes foraines. J'ai été à la foire du trône, mon fils s'est évanoui dans la chenille. Aïe. J'étais là, je lui ai dit réveille-toi Jean, réveille-toi. Donc vous voyez, j'ai des souvenirs horribles. Ah oui, en fait, voilà. Oui, voilà. Il y a aussi le vomi avec le bateau. Et je suis allé là également, en tant que chercheur, bien sûr, à la fête des bleus, blancs, rouges qui était au même endroit. Je me souviens. En tant que spécialiste des extrêmes. Tout à fait. Vous êtes, tout à fait. Oui. Alors, on va aborder le sujet 2 avec vous. Encore un sujet politique un peu plus général parce que l'élection, tu la gagnes ou tu quittes la politique. Alors, ça, c'est la méthode british. Très les bien. Trois leaders politiques qui ont perdu les élections en Grande-Bretagne ont démissionné. Oh, comme en France, quoi. Enfin, presque. Enfin, allez, on va pas chipoter. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique? Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, non, mais je vous le dis. Oui. Oui. Mais oui. Je ferai autre chose. Jolie ville. Quoi? Je ne sais pas. C'est pas entièrement faux. Qu'est-ce qu'il fait? Nicolas, où est Paprenel? Veux-tu diriger l'UMP? Alors, Nick Clegg à la tête des libéraux-démocrates, Nigel Farage, chef de file de l'UKIP, Ed Miliband, parti travailliste, voilà, ils se sont gaufrés aux élections, ils ont démissionné. Conclusion du journal La Croix aujourd'hui, en parlant de Ed Miliband, la conclusion de l'article, c'est finalement les Britanniques perdent du coup un responsable politique doté d'une solide éthique personnelle, parce qu'il faut avoir une solide éthique pour dire bon, j'ai perdu, je jette le gant. Hein, et alors c'est pas sûr. Bah non, parce que regardez, les Français font pareil. Quand ils perdent une élection, ils disent je me retire de la vie politique, puis ils reviennent 3 mois plus tard. Qu'est-ce qui vous dit que les Anglais vont pas faire pareil? Là, pour l'instant, on ne sait pas. Viennent de perdre l'élection, c'était hier, donc je me retire de la vie politique, c'est j'arrête vrai, y a tout, des possibilités rendez-vous dans 3 mois, retour, Nigel Farage, là, vous savez, les populistes anglais, ils ont fait mieux que le Front National aux élections européennes, hein, en termes de pourcentage. C'est vrai, donc, là, mais ils ont refusé de faire alliance avec le Front National. Mais c'est surtout que les conservateurs leur ont mangé la laine sur le dos, puisque les conservateurs avaient un programme de retrait de l'Europe, donc en fait, puisqu'il va y avoir un référendum pour décider de si l'Angleterre se retire de l'Europe unie. Donc en fait, Nigel Farage, il s'est fait un peu déposséder de son programme. Ouais. Et il dit, je verrai au cours de l'été si je postule de nouveau en septembre pour la direction du parti. Eh ben voilà. On est un peu comme en France. Ils ne sont pas différents de nous. Même s'ils mangent mal et qu'ils sont laids. C'est vrai. Ce matin, voilà, c'est un fait au cliché. Ah oui, mais c'est un historien. Non, je suis précis. Vous avez vu, vous étiez surtout, je veux coller à la réalité. Ce matin, dans le 5 cette Nathalie Schuch du Parisien aujourd'hui en France rappelait que c'est une pratique courante ailleurs, Gerhard Schröder, Gordon Brown, José María Aznar, et en France finalement il y a de véritables Il y a eu Jospin. Voilà. Et elle ajoute, en France la politique c'est une profession avant d'être une mission. Voilà, ces politiques ont vraiment, c'est vraiment une profession, ils ne savent faire que ça, donc s'ils quittent... Aussi, hein. Oui, il y a d'autres façons d'arrêter Merci la politique. Alex, sur cette précision. Donc, en tant que véritable profession, ils ne savent rien faire d'autre, peut-être. C'est-à-dire qu'en France, si vous lancez votre marque en tant qu'homme politique, ça met bien 30 ans, si vous voulez. Donc, vous êtes obligé de rater plusieurs élections avant d'arriver à la bonne. C'est ça le problème, si vous voulez. Donc, du coup, si vous jouez cette carte anglaise ou américaine, surtout les Américains sont les rois de ça, j'ai perdu, j'arrête tout, on ne me verra plus jamais, je vais aller me coucher, je vais dans mon ranch. Arlette Laguiller, elle a continué à travailler dans sa petite agence bancaire toute sa vie. Ah non, mais Arlette Laguiller n'était pas tout à fait un cas de femme politique, enfin habituelle. Je veux dire, c'était une révolutionnaire, elle était dans son coin. Et puis surtout, quand même, elle a tenu très longtemps, Arlette Laguiller, en tant que. Elle aurait pu, puisqu'elle perdait les élections, se retirer dès la première, si vous voulez. Si elle avait appliqué la règle de Nigel Farage. Comme Olivier Besancenot, elle continue à avoir un métier. Justement, il n'a pas fait une profession. Elle a attendu le grand soir n'est pas arrivé. Le grand moment, c'est le moment aussi de reparler de votre ouvrage. Le grand soir arrive ce soir, donc elle pense en ce moment. Ah oui, ça se passe en ce moment, le grand soir, mais pas chez nous, c'est à Cuba. Clara Dupont-Monod, Charline Vanhoenacker. Yes. Eh bien oui, parce que l'actualité, c'est le livre donc de notre invité, Christophe Bourseiller, intitulé « Et si c'était la vérité ?» Marc Lévy, on en parlait tout à l'heure, a écrit « Et si c'était vrai ?» Oui, et ben vrai. Voilà, et ben vous écrivez « Et si c'était la vérité ?» Mais c'est pas une romance, c'est donc une anthologie des rumeurs historiques farfelues, genre, alors Jésus n'a pas existé, Molière n'a rien écrit, Hitler vit encore au Brésil, des choses... Il est mort en 1984. Voilà, c'est ça, des choses hautement improbables, le 11 septembre 2001 n'a pas eu lieu... Non. En 2015, Clara Dupont-Monod a dîné avec Alex Vizorek, genre de choses qui ne peut pas arriver, mais des rumeurs comme ça colpant des faits. Il va finir par la séduire. Voilà, voilà, ça plane, mais on ne peut pas vérifier. Alors justement, parce que improbable, ces regards vous intéressent. Alors évidemment, vous mettez en garde tout de suite, et c'est pareil pour nos auditeurs, puisque en général, dans les pseudo-historiens, il y a pas mal de conspirationnistes, sans parler des propagateurs de haine. Alors ceux-là, vous les écartez, vous ne retenez que les théories a priori farfelues, et vous dites... Pas toujours. Non, mais... Non, mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la propagation de la haine quand même, ça vous fait un peu attention. Et vous écrivez, n'écartons pas les thèses fantaisistes, au contraire, disséquons-les. Alors par exemple, vous prenez une que j'aime beaucoup qui est, le Titanic n'a jamais coulé. Absolument. Voilà, alors le Titanic... C'est fort de dire ça, parce que tout le monde l'a vu couler. Exactement. Quand même. Exactement. On a une date, c'est le 14 avril 1912. Et un nombre de morts incroyable, des chagrins épouvantables, des familles brisées. Il y avait à l'époque des journaux en plus, donc ça a été relayé. Bon, Céline Dion a chanté. On a accusé à tort ce fameux iceberg. Donc il y a vraiment eu une campagne, il y a vraiment eu quelque chose. Un juif d'ailleurs, iceberg. Donc un extraterrestre. Ah bah voilà. Alors voilà, donc la rumeur c'est, donc, et si c'était pas en fait le Titanic qui avait coulé. Tout à fait, alors il y a une thèse effectivement historique. Alors voilà, l'idée c'est que je le dise, parce que sinon je ne vais y rien faire. Dites-le Clara, je sens que vous le direz mieux que moi. Je suis payée sinon pour glousser. Voilà. Alors il se trouve que le Titanic avait un paquebot jumeau qui s'appelait l'Olympique. Oui. Voilà. Alors en septembre 1911, alors que le Titanic est encore en construction, l'Olympique a un accident. Donc la compagnie d'assurance aurait échangé discrètement, si tant est qu'on puisse échanger discrètement deux énormes paquebots, mais bon, échanger discrètement l'Olympique contre le Titanic sans rien dire à personne. Mais non, ça vous surprend ça, mais quand oui. Christophe Bourcier, ce qu'elle raconte là sur l'Olympique et le Titanic. Ça ne me surprend pas parce que je l'ai écrit, mais je trouve ça très beau. Elle le dit. Non, mais c'est très beau d'avoir l'air intéressé, vous voyez, pour ne pas avoir à poésie, dépenser d'argent. Bref, on répare l'Olympique et on le présente comme le Titanic, et voilà, et puis un iceberg entre en scène. Alors, vous faites la liste de ce qui a pu alimenter les soupçons. Alors, tiens, mais il y a eu 55 annulations de voyage la veille, justement, du départ du Titanic, dont le propriétaire du bateau. Dont le propriétaire, qui, oui. Voilà, qui était peut-être au courant de la manip. Du coup, on se dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être. On se dit, tiens, mais les enquêtes liées au naufrage, elles ont été bâclées. Et en fait, vous montrez le mode d'emploi de la rumeur, la fabrication. Et on s'aperçoit que très souvent, ça part d'abord d'une sidération. C'est-à-dire l'événement exceptionnel, littéralement improbable, donc le naufrage du paquebot, mais il y a aussi les premiers pas sur la Lune ou la mort d'Elvis Presley. Et ensuite, vous montrez que les questions, elles vont germer et fleurir sur les détails. Exemple, ah ben on voit un reflet sur le casque d'un des astronautes, on voit qu'une des croix... Donc c'est un projecteur. Un projecteur, voilà. Oui. Une croix a été dessinée sur le sol. Donc et ça, puis, c'est un assistant qui était distrait, qui a oublié d'enlever la croix et ça cartonne. Mais je vais dire juste après que du coup, on pense que c'est un film. Donc là, on va faire comme si vous n'aviez rien dit. Voilà. Et puis, il n'y a pas de cratère d'impact. Voilà. Donc, naissance de la rumeur, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. C'est un film qui a été diffusé. Et en plus, alors ça, je ne savais pas, un film fabriqué par Stanley Kubrick. Oui, on l'attribue à Stanley Kubrick parce que juste la même année, il avait fait l'année 2001. L'année d'avant, il avait fait 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc forcément, Stanley Kubrick, ça fait bien, ça sonne bien. Quoi. C'est mieux que Et alors pareil pour Elvis Presley, en fait. Vous partez des détails. Donc le certificat de décès n'a été établi que 2 mois plus tard, après la mort, donc c'est bizarre. Et puis le cadavre était tellement maquillé que ça en est presque suspect. Paf, naissance de la rumeur, Elvis n'est pas mort, il est octogénaire et il coule quelque part sur la Terre des jours heureux. Donc on voit qu'à chaque fois, le doute, il prend appui sur le réel et il se transforme en certitude. Alors, vous, de votre côté, vous opposez les faits qui, eux, sont quand même assez têtus. Et donc, en général, vous parvenez à contredire la paranoïa, enfin, les faits la contredisent. Mais il y a parfois des problèmes. Ouais. Et le problème, c'est que plus on est loin dans le temps et moins on dispose d'éléments pour contredire la paranoïa, par définition. Et c'est ce qui s'est passé autour de Marco Polo. Vous rappelez la rumeur ? La rumeur dit « Marco Polo a été un escroc ». Bon. Alors vous dites, bah, pourquoi on dit ça ? Ben, on dit ça parce qu'il est censé être allé en Chine, et c'est bizarre, dans ses écrits, il ne parle pas des baguettes, il ne parle pas du thé, et il ne parle pas de la calligraphie chinoise. Bon. Et en plus, les doutes viennent d'une historienne très reconnue. Absolument, donc là, ça Frances se Wood, oui, tout à voilà, fait. Voilà, ça se corse parce que pour le coup, c'est une parole absolument respectée, qui a une crédibilité sans faille, donc là, il y a souci. Et alors, l'historienne a dit, bon ben voilà, Marco Polo, en fait, il n'a pas bougé de chez lui, il a pris ses infos depuis les marchands revenus d'Orient. Il a lu le guide bleu, quoi. En gros, il était dans sa chambre. Et c'est il a, ça. Voilà. Et il a écrit son livre des merveilles, effectivement, tranquillement assis sur son coussin. En allant a... sur Google, quoi. C'est pas loin. Et sans pas, doute. Sans ouais, mettre, sans en doute. Tout cas, le nez dehors. Wikipédia. Alors, Wikipédia, tout ça. Donc, ça fait controverse, levée de bouclier, tempête, les historiens s'affolent, etc. Mais... c'est très plaisant parce que vous dites, au fond, l'histoire, c'est aussi ça. L'histoire, on rappellera jamais assez que ça n'est pas une science exacte. Ah, mais c'est sûr. Exactement. Et que parfois, elle est tellement romanesque que, honnêtement, on ne peut pas lui reprocher d'attiser l'imagination. Donc, je redonne les références de votre livre. Et si c'était la vérité, publié aux éditions Vouibert. C'est magnifique ce que vous venez de dire. Bien sympa de donner les références parce qu'il vous a bien taillé la chronique. Moi, j'aurais pas donné d'autres références. C'était une chronique à deux voix. Chronique en duo. Alors, duo à deux voix. Alors, sur Marco Polo, j'ai des informations quand même. Hein. C'est, hein. Oui, alors, très rapidement, il y a quand même des témoignages chinois qui disent Marco Polo a été là et a effectivement est intervenu. Donc il y a un témoignage chinois qui tendrait à penser qu'effectivement il y avait un Polo P-O-L-O, qui était là à cette époque-là. Oh, voilà. Dites donc, Christophe Bourseiller, restez avec nous, il est avec nous jusqu'à 18h. Cinéma Club, ils viennent d'Irlande du Nord. C'est un groupe indé électropop sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Bourseiller qui anime, je vous le rappelle, tous les dimanches sur France Musique, oui, chez nos voisins cousins, salut. Musicus Politicus de 17h. Musicus Politicus, moi je dis Musicus Politicus. Ah oui, vous dites ça. Oui, oui. Ah bah la prononciation latine, chère à Najat Vallaud Belkacem. Exactement. Vive le latin, bien sûr, bien sûr. Musicus Politicus, tous les dimanches, France Musique à 17h, notre horaire, oui. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Troisième sujet avec vous, Christophe Bourseiller. Ah, ça c'est grave. Oui, un sujet grave. On y vient. Alors attention, il faut trouver des solutions, hein, je compte sur vous. Il n'y a plus de stars en France, nous dit Catherine Deneuve. Alors, soyons honnêtes, dans une interview au JDD où elle donne son avis sur la modernité, des photos, des selfies, du numérique, etc. Elle dit des tas de gens, c'est vrai, sont portés au nu alors qu'ils n'ont rien fait. Mais voilà, quand ces gens qui n'ont rien fait répondent à Catherine Deneuve, finalement, nous, on en parle. Et oui, nous aussi, parce que c'est rigolo et que nous, on préfère quand les gens se parlent pour régler les conflits. Allez, Deneuve et Nabila, donc. Est-ce que ça vous embête si on fait une photo avec vous? Je ne suis pas très coiffée. Non, mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. J'espère que vous avez totalement arrêté le... Oui, le... La fumette. Un extrait de Palais Royal featuring les anges de la télé-réalité pour récupérer du Nabila et sa réplique qui l'a rendu célèbre et qui lui fait gagner sa vie aujourd'hui. Nabila donc a répondu à Catherine Deneuve par un tweet assez outrancier, hein, qu'elle a ensuite retiré, mais vous savez sur internet ce qui est posté. C'est pour la postérité, presque. Vieille jalouse aigrie, sans E. Ouais, avec une faute d'orthographe. Et trois petits points, et juste après, avec tout le respect que je vous dois. Ah, voilà, quand même. Voilà. Alors nous, on s'est posé de questions, on s'est dit, bon, alors il y a quand même la légende du 7e art, qui est Catherine Deneuve, qui s'exprime. Twitter offre l'occasion à quelqu'un qui est sorti de la télé-réalité, qui n'a pas fait grand-chose, à part mettre du silicone dans ses seins, donc Nabila, qui lui répond... Alors, on se dit, c'est, voilà, on est diamétralement opposés sur quelle échelle, finalement. Attendez, vous voulez dire que Nabila, c'est des faux seins? Je crois. Alors là, j'irai mais peut-être là, pas jusque-là. Moi, je me suis posé une question en me rappelant, évidemment, qu'il y en a une qui, quand même, les a mis, qui les a hissés au même rang. C'est quand même Jean-Paul Gaultier qui les a mis toutes les deux au premier rang de ses défilés. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut avoir un avis là-dessus? La question, c'est est-ce qu'il faut avoir un avis? Ouais, c'est ça. C'est le sujet. En fait, Nabila avait été snobée par Catherine Deneuve au défilé Gaultier. Ah, et ça l'avait énervée. Elle a dit, mais je ne comprends pas quand même, grave. Machin. Parce qu'effectivement, le rien, c'est un job aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'elle rentabilise du rien. Ouais. Donc voilà, à la limite, on peut lui reconnaître ça. C'est vrai. Nombreuses, les Nabila. Hein, tandis que des Deneuve, il y en a quand même beaucoup moins. Voilà. Connaissons-le. Nabila, c'est la Deneuve du rien, si vous voulez. Je sais, il y avait une Nabila que j'aimais bien avant, c'était Marlène. Personne ne se souvient. Bon, si, d'accord. Si. Okay. Non, mais c'était vrai, elle était marrante aussi. Elle faisait rien. Et on la voyait un petit peu à poil là. Dans les magazines, tout ça. Et puis elle disait des trucs comme elle ça. J'aime Deneuve, j'aime pas Deneuve. J'aime Adjani, j'aime pas Adjani. Alors tout le monde, Marlène a dit j'aime pas Adjani. Oh, et maintenant on dit ça. Nabila a dit je n'aime pas Deneuve. Donc, ma concierge non plus n'aime pas Deneuve. Ça a existé donc de tout temps. Non, mais la blague, c'est qu'aujourd'hui, il y a Nabila, on s'en fout, mais que tout le monde fait les sujets. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur Nabila? Ah, ça, c'était pas la question. n'était pas notre question. Ça n'était pas notre question. Alex Vizorek. C'est toujours rigolo. Voilà. Oui. On va terminer par un petit sketch. Alors, un petit sketch basé sur une information. Alors, ce week-end, on a appris que deux familles auraient loué un camping-car pour partir faire le djihad depuis la France. Une famille de Toulouse. Ouais, lui de Montpellier. Ils ont payé la caution et ils sont partis directement vers la Turquie. Bon, on s'en est rendu compte parce qu'en fait, ils n'ont jamais ramené l'engin. Enfin, pour l'instant, pas encore. Peut-être qu'ils sont perdus. Donc voilà. Bah, alors, comment ça se passe? Un départ en camping-car au djihad. Attention, la famille va partir. Allez la famille, tout le monde est prêt, on y va? C'est bon les enfants, ça va? Oui, oui maman. Attends, je crois que j'ai oublié de couper le gaz en partant. Ah ben on s'en fiche, on revient plus. Hein. Ah, tu es bête, on revient pas. Bah oui, pourquoi on revient pas? Parce qu'on va en vacances, mais longtemps quoi, on va au Club Bled. Oui, papa a très bien choisi les enfants, on va au plus beau club, on va à celui de Mossoul. Ah oui, c'est le plus chic, c'est 4 grenades. Oui, et on va ramener de jolis souvenirs. Bah non, non, on va pas ramener... Ah, bah oui, je suis bête, on revient pas. Bah voilà. Il y aura un mini-club? Ah bien sûr, il y aura un mini-club, vous allez bricoler des cocktails Molotov. Il y aura des tirs à l'arc. Ah là, je peux te dire qu'en matière de tir, il y aura mieux que ça. Super, on va s'éclater. Non, non, non, non, pas tout de suite. D'abord, on va s'entraîner. On y est bientôt. Oui, arrête d'ennuyer ton père parce qu'on a encore de la route. Oui, on va faire une halte à Damas. Ah, mais t'as réservé un hôtel? Ah oui, et pas n'importe lequel. J'ai réservé dans un relais chameau. Oh, super, non, mais quand je vais raconter ça à la voisine. Mais non, mais attends, mais t'es conne ou quoi? Ah, mais je suis bête, on revient pas. Bah oui. Papa, on y est, j'ai chaud, je vais exploser. Non, non, non, non, non. D'abord, on va s'entraîner, j'ai dit. Dis-moi, chérie, mais tu penses parfois à faire la paix? Ouais, j'y pense. J'y pense le matin, en me rasant. Et voilà. Voilà. Ça, on est consterné. Non, non, j'ai beaucoup aimé. C'est une très belle idée, à part qu'il, à mon avis, ne se rase pas. C'est la chute. Il est islamiste. Oui. L'islamiste n'est pas rasé. Non, c'était une blague, en fait. Je crois que c'était le tout ça est inspiré de faits réels. Vous allez revenir alors, demain. L'explication de ce sketch est disponible sur le site de France Inter. Franceinter.fr. Tout ça était vrai, figurez-vous, c'est inspiré de l'actualité. Et Christophe Bourseiller aussi. Et si c'était la vérité? Une enquête sur les délires de l'histoire. C'est aux éditions Vuibert. Si vous voulez savoir que Napoléon était breton, par exemple. Hein, ou que Victor Hugo s'est converti à l'islam. Eh, il y en a ça pourrait surprendre. Vous allez avoir des problèmes avec les Corses. Et ça, ce sera bien pour vous. Merci beaucoup, Christophe Bourseiller. Merci à toute l'équipe. Demain, on va se retrouver avec Jean-François Bernardini du groupe Imouvrini. Ça va être explosif également. Vous savez quoi? Comme Catherine Deneuve est en forme, on va la laisser clore le débat. Non, parce que j'ai beau avoir la réputation d'être quelqu'un de plutôt décontracté, j'aime pas beaucoup ça.